je cherche le sommeil, mais je peine à le trouver. Mes problèmes me tiennent en éveil, mes rêves se sont écroulés. Mes idées noires s'entremêlent, mon moral ne cesse de couler. Je me sens comme un oiseau sans aile, qui traîne la vie comme un boulet. Sors de ma tête, foutue dépression, foutue dépression, foutue dépression. Allez, allez, sors de ma tête, foutue dépression, foutue dépression, foutue dépression. Allez, allez, sors de ma tête. J'appréhende d'être seul, juste par peur de penser. Mais je ne veux voir personne, cherche pas, y'a rien de sensé. Avec une balle dans la tête, mes peines seraient effacées. Si j'ai mal, c'est que peut-être je me sens trop déphasé. Sors de ma tête, foutue dépression, foutue dépression.